Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, Marthe Robert retraçait pour France 3 National les grandes étapes de la vie et de l'œuvre de Freud dans une série de 28 émissions. Après avoir, dans les 17e et 18e volets, exposé de quelle façon il était parvenu à faire sortir la psychanalyse de son isolement au début du 20e siècle, elle exposait dans le 19e épisode les dissensions qui assez vite l'opposèrent à ses disciples les plus fervents, en particulier le viennois Alfred Adler et le zurichois Carl Gustav Jung. Après quoi, elle s'intéressait à l'une des dimensions les plus passionnantes de ses écrits, à savoir ses exposés cliniques, en particulier les 5 études de cas devenues les plus fameuses de son œuvre, celles de Dora, du petit Hans, de l'homme au loup, du président Schreber et de l'homme au rat, rassemblées en 1935 dans le livre intitulé « 5 psychanalyses » qui se dévore comme un roman policier. La révolution psychanalytique, 19e et 20e volet, première diffusion sur France 3 National, les 2 et 11 mai 1963. RTF France 3 National présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet et Jean Muselli dans Les dissensions. Contrairement à l'espoir de Freud, le deuxième congrès international de Nuremberg, où la fondation de l'Association psychanalytique internationale avait été décidée, n'instaura pas une ère de paix, mais une petite guerre qui dura presque sans interruption 4 années. En passant les pouvoirs à Adler, au sein de la société viennoise, Freud n'avait gagné que de déchaîner les jalousies plus ou moins latentes dans le groupe. Les choses commencèrent de se gâter entre Adler et Steckel, l'un rédacteur en chef, l'autre éditeur de la revue créée au Congrès, le Zentralblatt für Psychoanalyse. Adler quitta la rédaction et afficha de plus en plus bruyamment son désir de s'émanciper. Il le fit définitivement au Congrès de Weimar en 1911 et créa un nouveau groupe sous le nom de Société de Psychanalyse Libre. L'année suivante, ce fut le tour de Steckel. Et au congrès de Munich en 1913, celui de Jung et de la plupart des analystes suisses qu'il avait suivi. Dans son « Histoire du mouvement psychanalytique », écrite en 1914, Freud commente longuement ces événements qui, par deux fois, avaient menacé l'unité de son œuvre et assombri sa vie au moment même où il pouvait entrevoir le succès. « La déception que cela me causa aurait été évitable si nous avions été plus attentifs à ce qui se passe chez nos analysés. En effet, je comprenais fort bien que quelqu'un puisse prendre la fuite dès son premier contact avec les désagréables vérités analytiques. J'avais même toujours soutenu que la compréhension de chacun est entravée par ses propres refoulements, ou plutôt par les résistances qui les maintiennent, de telle sorte que ses relations avec l'analyse ne dépassent pas un point déterminé. Mais je ne m'étais pas attendu que quelqu'un qui a compris l'analyse jusqu'à un certain degré de profondeur puisse renoncer à sa compréhension et la perdre. Et pourtant, notre expérience quotidienne des malades nous avait montré qu'une appréhension totale des vérités psychanalytiques peut se produire à partir de n'importe quelle couche profonde où une résistance particulièrement forte est préalablement accrochée. A-t-on obtenu d'un malade de ce genre qu'il comprenne des portions de savoir analytique et s'en serve comme de son propre bien, il peut encore arriver que, sous l'emprise d'une nouvelle résistance, il envoie promener tout ce qu'il a appris et recommence à se défendre comme à ses plus beaux jours de débutant. Il me restait à apprendre que dans l'analyse, il en va des psychanalystes exactement comme des malades. Freud explique donc, par les résistances inconscientes des premiers analystes, l'histoire tumultueuse de ces 4 années qui devaient laisser le mouvement affaibli, ou à tout le moins lui ôter en partie le bénéfice de ses succès. Pour dire tout à fait la vérité, il aurait dû ajouter que ses premiers élèves n'avaient pour la plupart qu'une expérience toute intellectuelle de l'analyse, et que lorsqu'ils avaient été analysés, leur traitement avait été trop bref et trop superficiel pour qu'on pût en attendre des résultats durables. Steckel, qui souffrait d'une névrose caractérisée, avait été analysé par Freud pendant quelques semaines et dans de mauvaises conditions, les deux hommes se connaissant beaucoup trop bien pour que la distance indispensable entre malade et médecin puisse être strictement gardée. Plus tard, quand les notions de résistance, de transfert et de contre-transfert se furent techniquement précisées, il devint évident que la transformation de tout analyste, qu'il se tint lui-même ou non pour névrosé, devrait comporter nécessairement une analyse semblable en tout point à celle des malades. L'obligation de faire une analyse didactique fut alors édictée par tous les instituts, et c'est aujourd'hui une règle absolue. Au début, toutefois, une pareille mesure était inconcevable. Freud ne pouvait poser aucune condition à des gens inconnus qui venaient courageusement à lui et qui se présentaient naturellement en médecin, non en malade, même quand, au regard de la psychanalyse, leur équilibre psychique ne se montrait pas à toute épreuve. Il semble que les premiers temps, Freud ait analysé ceux de ses jeunes collègues qui le lui demandaient ou en manifestaient le besoin. Pour les autres, ils firent comme tous les étudiants et tirèrent leur savoir des livres, autrement dit de l'œuvre de Freud, qui contenait alors toute la matière de leur étude. D'autres raisons encore rendaient l'analyse didactique obligatoire d'une application difficile. C'est que les premiers candidats à l'exercice psychanalytique n'étaient plus des jeunes gens. La plupart étaient déjà médecins, d'autres venaient de professions différentes. Une analyse didactique, telle qu'on la pratique aujourd'hui, leur eût imposé un gros sacrifice de temps, d'énergie et surtout d'argent, point essentiel pour des gens qui, tous sans exception, étaient pauvres. Freud lui-même ne fit jamais fortune. À l'époque où il devait former des élèves, il lui fallait le plus souvent borner son enseignement à des conversations improvisées pendant de longues promenades où le candidat était tout à la fois analysé et instruit dans la théorie. Ces entretiens socratiques furent effectivement pendant longtemps le seul mode de formation des futurs analystes. Si passionnants qu'ils fussent, ils ne devaient guère faciliter la rupture de transfert, autrement dit, ce lent détachement de la personne du thérapeute sans quoi aucune analyse n'est jamais vraiment achevée. Faute d'une analyse systématique, présentant toutes les garanties d'une cure thérapeutique, les adeptes étaient naturellement conduits à une sorte d'activité psychanalytique diffuse qui, dans la vie quotidienne, n'avait pas que des effets heureux. Par un mouvement bien naturel, chacun se sentait plus porté à analyser les autres que lui-même et le faisait du reste avec infiniment plus de clairvoyance. Il s'ensuivait des critiques et des reproches où la vérité analytique remplaçait la morale ordinaire, ce qui ne les empêchait nullement de blesser. Sous couvert de compréhension analytique, bien des jalousies, des antipathies et des haines s'exprimaient franchement qui, dans d'autres circonstances, eussent pris un tour plus hypocrite et plus poli. Et, en définitive, les sentiments puissants qui cimentaient et divisaient en même temps cette communauté d'hommes primitivement fermée se retournaient contre celui qui était le chef, le maître, et qui, dispensateur de tout savoir et de toute aide, était forcé de jouer au grand jour son rôle paternel. Freud, en effet, ne représentait pas seulement pour ses élèves un savant génial, parmi d'autres, ayant illustré sa spécialité, il était le créateur. Sans précédent ni concurrent, il incarnait tout à la fois le passé et l'avenir d'une science inédite, et ceux qui le suivaient devaient attendre de lui non pas un enrichissement de leurs connaissances, mais jusqu'à la moindre bribe de leur savoir. Cet état de choses n'avait pas que des conséquences morales. Il entraînait aussi une étroite dépendance matérielle puisque les premiers psychanalystes n'avaient pas d'autre source de clientèle que les malades envoyés par le maître. Les plus ambitieux d'entre eux pouvaient craindre aussi de voir leur chemin à jamais barré par cet homme à qui ils devaient tout et qui par là même les ensevelissait sous son ombre. Freud ne s'apesantit pas sur ce point épineux dans son histoire du mouvement. Il rapporte néanmoins un mot révélateur d'Adler que d'autres par la suite eussent pu également prendre à leur compte. J'ai le droit de parler publiquement des motivations personnelles qui l'ont conduit à ses travaux, puisqu'il les a exprimées lui-même en présence de quelques membres du groupe viennois. Croyez-vous donc que ce soit un si grand plaisir pour moi de passer ma vie entière dans votre ombre ? Or, je ne vois rien de répréhensible à ce qu'un jeune homme reconnaisse ouvertement l'ambition en quoi l'on verrait de toute façon l'un des moteurs de son travail. Mais même sous l'empire d'un pareil motif, on devrait pouvoir éviter d'être ce que les Anglais appellent, avec leur subtil tact social, appellent « unfair », et pourquoi les Allemands ne disposent que d'un terme infiniment plus grossier. À quel point Adler a mal su l'éviter, on le voit à la foule de méchanceté mesquine qui défigure ses travaux, comme à cette rage de priorité qu'ils trahissent. Un jour, nous l'entendîmes dire au cours d'une séance de la société qu'il réclamait la priorité des notions d'unité et de conception dynamique des névroses. Ce fut pour moi une grande surprise, car j'avais toujours cru que ces deux principes étaient représentés par moi bien avant que j'eusse connu Adler. L'autorité écrasante de Freud n'était pas la seule cause de conflits et de malaise. Il y avait aussi son amour, qui se portait inégalement sur ses élèves et en cela encore rappelait de trop près l'amour paternel. Ainsi, il avait de l'estime pour les qualités intellectuelles d'Adler, mais il jugeait l'homme maussade et ennuyeux et ne se sentait nullement attiré par lui. En revanche, il ne faisait pas mystère de sa vive inclination pour Jung. Et pendant de longues années, il montra à l'endroit de Rank et de Ferenczi, par exemple, une affection, une sollicitude, une tendresse même, qui contrastait fort avec la dureté dont il pouvait être capable envers d'autres élèves non moins doués et parfois plus fidèles. Otto Rank, qui sur le conseil de Freud avait fait des études tardives, n'exerça jamais la psychanalyse à Vienne. Et comme il était extrêmement pauvre, personne ne sut jamais très bien de quoi il vivait. Il est probable que Freud, à l'insu de tous, l'aidait souvent de ses deniers. Ernest Jones soupçonne même qu'un jour, il lui offrit un voyage en Grèce. Quant à Ferenczi, le seul qui l'eût introduit dans sa famille et qui l'accompagna régulièrement dans ses voyages de vacances, il le traitait comme une sorte de fils adoptif et lui avoua même un jour qu'il avait espéré lui voir épouser sa fille aînée. S'autorisant de ces liens étroits, Ferenczi, de son côté, exigeait de Freud un amour total, une confiance et une sincérité de tout instant. Cette exigence démesurée montrait clairement son caractère infantile. Elle gâta souvent les vacances des deux hommes et provoqua bien des petits drames que Freud s'efforçait ensuite d'apaiser. En 1910, à la suite d'un voyage en Sicile, où Ferenczi s'était senti très malheureux, Freud lui écrivit une lettre émouvante qui éclaire l'aspect le moins connu de ses relations avec ses disciples. « Cher ami, votre lettre m'a opportunément rappelé que je suis la même personne qui cueillait des papyrus à Syracuse, se chamaillait à Naples avec le personnel du train et achetait des antiquités à Rome. Mon identité est maintenant rétablie. Elle est remarquable, cette tendance à quoi l'on cède si facilement d'isoler ses diverses personnalités. Vous me croirez si je vous dis que je ne pense à votre présence à mes côtés qu'avec des sentiments de chaleureuse sympathie, bien que vous m'ayez souvent fait de la peine en vous montrant déçu et que, à maints égards, j'aurais aimé vous voir autrement. Votre déception vient sûrement de ce que vous vous attendiez à nager dans une excitation intellectuelle ininterrompue, alors que rien ne m'est plus odieux que la pause et que, précisément par une attitude contraire, il m'arrive souvent de me laisser aller. Ainsi, je me suis probablement conduit la plupart du temps comme un vieux monsieur tout à fait ordinaire, dont vous pouviez mesurer avec étonnement tout ce qui le sépare de l'idéal de votre imagination. D'un autre côté, j'aurais souhaité que vous sortiez de votre rôle infantile, que vous preniez place à mes côtés en égal, ce que vous n'avez pas pu faire. Et puis, à un point de vue pratique, que vous vous acquittiez plus sérieusement du petit bout de tâche qui consistait à vous orienter dans le temps et dans l'espace. Mais vous étiez inhibé et perdu dans votre rêve. Ferenczi, qui éprouvait pour Freud la même passion dévorante qu'il vouait à son propre père et qui, 20 ans plus tard, devait le conduire à de malheureux changements dans la technique psychanalytique, ne fut nullement apaisé par cette explication bienveillante. Dans une seconde lettre, Freud décida alors de lui parler plus franchement. Il est étonnant de voir combien il vous est plus facile de décrire votre caractère dans une lettre que de vive voix. Je connaissais naturellement une grande partie, la plus grande, de ce que vous m'écrivez, et il faut maintenant que je vous donne quelques explications. Pourquoi je ne vous ai pas grondé afin d'ouvrir la voie à une compréhension mutuelle ? C'est parfaitement exact, je me suis montré faible. Je ne suis pas le surhomme que vous avez représenté votre imagination, et je n'ai pas non plus surmonté mon contre-transfert. Il m'a été aussi impossible de vous traiter de cette façon que d'agir ainsi envers mes fils, parce que je les aime trop et qu'ils m'auraient fait pitié. Vous avez non seulement observé, mais également compris, que je n'éprouve plus le besoin de révéler complètement ma personnalité, et vous l'avez fort justement attribué à une raison traumatisante. Depuis l'histoire de Fliss, qu'il m'a fallu liquider récemment, comme vous le savez, ce besoin n'existe plus pour moi. Une partie de l'investissement homosexuel a disparu et je m'en suis servi pour élargir mon propre moi. J'ai réussi là où le paranoïaque échoue. En outre, vous devez savoir que je me suis senti moins bien et que j'ai souffert de mes troubles intestinaux plus que je n'ai voulu l'avouer. Je me dis souvent moi-même que celui qui ne peut régenter son Conrad ne devrait pas voyager. C'est là qu'aurait dû jouer la sincérité, mais vous ne me paraissez pas être assez stable pour éviter d'être par trop inquiet à mon sujet. Quant au déplaisir que vous m'avez causé et qui implique une certaine résistance passive, il sera soumis aux modifications que subissent généralement les souvenirs de voyage. On les épure. Les petits désagréments fuient de la mémoire et ce qui a été beau demeure au compte du plaisir intellectuel. Il était visible que vous me soupçonniez d'avoir de grands secrets, et que vous étiez curieux de les connaître, réaction infantile facile à déceler. De même que je vous ai tout dit en ce qui concerne les sujets scientifiques, de même je ne vous ai guère dissimulé les faits personnels. À l'époque en question, mes rêves, comme je vous l'ai fait comprendre, étaient entièrement remplis de Fliss, ce qui, vu la situation, pouvait difficilement vous être sympathique. Ainsi, en considérant les faits de plus près, vous trouverez qu'il n'y a pas entre nous autant de questions à trancher que vous l'imaginiez peut-être au début. Maintenant, je vous en prie, tournez plutôt votre attention vers le présent. Il est fort dommage que la correspondance de Freud avec ses élèves les plus proches n'ait pas été intégralement publiée. Elle seule ferait comprendre les causes obscures de ces crises qui secouèrent la psychanalyse pendant presque toute son histoire et assombrir encore la vieillesse de Freud, torturée par la maladie. Assurément, il fallait être fort pour rester à la fois aimant et libre en face de cet homme imposant qui contenait en lui tant d'éléments contradictoires. Certains, comme Ernest Jones et Karl Abraham, réussirent à faire une œuvre personnelle tout en gardant avec lui des relations harmonieuses et saines. D'autres échangèrent leur indépendance contre une soumission aveugle à ses vues. Quelques-uns réclamèrent à grand bruit leur émancipation et finirent par le quitter. Enfin d'autres, encore, tâchèrent de vivre auprès de lui le drame quotidien de l'amour et de la révolte, au risque d'aggraver leur mal et de sombrer tout à fait. Les solutions, ici, dépendaient de l'organisation psychique et intellectuelle et même de la situation sociale de chacun. Les Juifs, sensibles à toute contrainte et traditionnellement très dépendants des liens familiaux, avaient probablement la part la plus difficile. Les Anglais, avec ce subtil tact social dont parle Freud, surent généralement trouver une solution élégante. Ceux des Suisses qui ne suivirent pas Jung restèrent attachés à Freud avec autant de bon sens que de sérénité. De toute façon, Freud ne pouvait guère influencer leur choix par ses actes ou ses décisions. Il était destiné à provoquer et à essayer sur sa propre personne toutes les solutions de compromis, bonnes ou mauvaises, saines ou morbides, par quoi les fils tentent depuis toujours de se libérer. On aurait tort de s'étonner que, parmi les analystes de la première génération, il y eut tant de gens mal équilibrés, mal adaptés aux nécessités sociales, ou même atteints de graves troubles psychiques. Qui donc aurait pu pressentir l'urgence et la portée de la révolution freudienne, sinon des hommes ayant une expérience intime de la souffrance? S'il n'est pas vrai, comme le veut le jugement populaire, que tous les psychiatres soient fous, du moins ont-ils un lien spécial avec la maladie qui justifie en grande partie leur vocation. La psychanalyse offrait tout à la fois une issue et un extraordinaire aliment intellectuel à des esprits doués n'ayant pas su ou pas pu employer leurs dons, ou encore à des êtres passionnés et fragiles qui y voyaient une chance d'échapper à leur destin. Son histoire en a été tragiquement marquée non seulement par ses crises qui, vues du dehors, pouvaient paraître puériles, mais encore par le suicide et la folie. Dès sa jeunesse, Freud avait vécu dans un milieu où les troubles mentaux et la maladie, la tuberculose surtout, entretenaient une atmosphère tragique. Son ami Panette était mort à la fleur de l'âge. Il avait vu le lent supplice d'Ernest von Fleischl. Un de ses camarades d'hôpital s'était suicidé presque sous ses yeux, et tout cela l'avait profondément bouleversé, ravivant en lui la pensée de la mort qui ne le quittait pas et finit par trouver une place centrale dans sa doctrine. Par la suite, il y eut le suicide de plusieurs de ses élèves, celui du psychanalyste suisse Honegger, d'Otto Gross, un jeune homme de Graz, dont les travaux montraient un esprit extrêmement brillant, de Victor Tausk, l'un des hommes en qui la psychanalyse a sûrement le plus perdu. Enfin, il dut assister à la lente évolution qui conduisit Otto Rank à la folie. Puis, quelques années plus tard, à l'effondrement tragique de Ferenczi, le seul ami qu'il eût vraiment trouvé parmi ses disciples. Otto Rank semble n'avoir pas pu surmonter l'épreuve de la Première Guerre mondiale, tout comme Gross et Tausk, qui se tuèrent à la fin des hostilités. Notons que ces derniers ouvrages, en particulier le traumatisme de la naissance, qui s'écartait considérablement de la ligne freudienne et provoqua la rupture des deux hommes, témoignent d'une pensée vigoureuse, nullement atteinte par la maladie. Quant à Ferenczi, il mourut avant que ses spéculations audacieuses, et du reste passionnantes, n'aient amené Freud à se séparer de lui. Il serait tout à fait injuste de réduire les discordes psychanalytiques à des causes purement psychologiques, de surcroît en grande partie inconscientes. Freud lui-même n'allait pas si loin, et bien qu'il se sentît secrètement visé par les plus grosses déformations théoriques, il ne daignait pas aux différents la valeur d'un débat d'idées. En fait, la psychanalyse avait rapproché des hommes de goût, de tempérament et de formation si divers et parfois si opposés que leur mésentente était d'emblée prévisible. Entre Adler et Jung, par exemple, il n'y avait absolument rien de commun. Adler venait d'un milieu intellectuel où dominaient les préoccupations politiques, sa femme, d'origine russe, était très liée avec Trotsky et les chefs révolutionnaires émigrés. Lui-même animait un petit groupe de psychanalystes socialistes qui, du reste, quittèrent tous la société viennoise en même temps que lui. Il est certain que sa psychologie individuelle, fondée sur la primauté du moi et du conscient, reflétait bien ses convictions politiques, tout comme la théorie nietzschéenne de la puissance qu'il finit par installer dans son édifice. Jung, de son côté, était aussi étranger que possible à toutes les questions sociales. Son intérêt allait, depuis toujours, à l'ésotérisme, aux phénomènes occultes et religieux, au problème général du symbolisme. Il est probable que, dès le début, il ne concevait pas la psychanalyse comme une fin, mais comme un moyen qu'il fallait faire servir à de plus vastes synthèses. Sa théorie ultérieure de l'inconscient collectif et des archétypes le montre fidèle à lui-même sur ce point. En somme, après une brève rencontre sous le drapeau freudien, les deux chefs dissidents continuèrent chacun leur chemin, qui en fait ne s'était jamais croisé. Freud n'en eût peut-être pas été aussi affecté si l'un et l'autre n'eussent présenté leur dissidence comme un progrès pour la psychanalyse et une victoire de leur jeunesse. C'est en grande partie pour protester contre cette prétention qu'il écrit « L'histoire du mouvement psychanalytique », où il met en balance les innovations proposées par les deux doctrines et ce qu'elles apportent de vraiment neuf et d'utile. Les deux tendances rétrogrades qui s'écartent de la psychanalyse et que je veux maintenant comparer ont ceci de commun qu'elles sollicitent un préjugé favorable en affirmant certains points de vue élevés, pour ainsi dire subspecie eternitatis. Chez Adler, ce rôle est joué par la relativité de toute connaissance et le droit de toute personnalité à élaborer individuellement et artistiquement la matière du savoir. Chez Jung, on en appelle au droit historique et culturel de la jeunesse de rejeter les chaînes dont une vieillesse tyrannique, figée dans ses idées, voudrait la charger. Ces arguments demandent quelques mots de réfutation. La relativité de notre connaissance est une considération qu'on pourrait opposer à n'importe quelle science autant qu'à la psychanalyse. Elle provient de courants réactionnaires actuels dont on connaît l'hostilité à la science. Elle veut se donner une apparence de supériorité qui ne nous revient pas de droit. Personne d'entre nous ne peut prévoir le jugement définitif de l'humanité sur nos efforts théoriques. On a des exemples montrant que le refus de 3 générations peut être corrigé et transformé en acceptation par les générations suivantes. Il ne reste rien d'autre à l'individu que de représenter de toutes ses forces les convictions qu'il s'est faites en s'appuyant sur l'expérience, après avoir prêté une oreille attentive à la voix de sa propre critique comme à celle de ses adversaires. Qu'on se contente donc de mener honnêtement son affaire, sans s'arroger le droit de juger, qui appartient à un lointain avenir. Après avoir noté que les idées d'Adler sur la relativité des vérités scientifiques ne sont prises au sérieux ni par Adler, ni par ses partisans, qui le célèbrent comme le Messie, Freud examine l'argument de Jung sur la révolte de la jeunesse. L'argument jungien, ad capendum benevolentiam, repose sur une condition préliminaire vraiment par trop optimiste, celle que le progrès de l'humanité, de la culture, du savoir, s'accomplit toujours selon une ligne continue. Comme s'il n'y avait jamais eu d'épigone, de réaction et de restauration après chaque révolution. Comme s'il n'arrivait jamais qu'une époque fasse marche arrière et renonce ainsi à l'acquis d'une génération précédente. Le ralliement au point de vue de la masse, l'abandon d'une innovation jugée désagréable, rendent tout à fait improbable que le correctif jungien de la psychanalyse puisse se faire passer pour un acte libérateur de la jeunesse. Après tout, ce n'est pas l'âge de celui qui agit, mais le caractère de l'acte qui emporte ici la décision. Cherchant ce qui reste d'authentiquement psychanalytique dans les 2 théories dissidentes, Freud constate que celles d'Adler se fondent entièrement sur l'instinct d'agression, et ne faisant plus aucune place à l'amour, il est étrange qu'on puisse la juger attirante. Qu'une conception du monde aussi désolante trouve des partisans prouve une fois de plus que l'humanité écrasée par ses propres besoins sexuels consent à n'importe quelle construction qui lui permette de les surmonter. Il faut pourtant reconnaître à la doctrine d'Adler plus de poids qu'à la modification jungienne, laquelle fournit un bon pendant au couteau de Lichtenberg, qui est sans lame et auquel il manque le manche. Jung a changé la lame du couteau et lui a mis un autre manche, mais comme il a gardé la marque de fabrication, il prétend toujours qu'il s'agit du même objet. Des 2 mouvements dont je traite ici, celui d'Adler est sans aucun doute le plus important. Radicalement faux, il a cependant pour lui sa logique et sa cohérence. Et puis, il reste malgré tout fondé sur une théorie de l'instinct. En revanche, la modification de Jung a complètement disloqué le lien des phénomènes avec la vie instinctive. Elle est en outre, comme ses critiques l'ont constaté, si obscure et embrouillée qu'il n'est pas facile d'adopter une attitude à son égard. Par quelque côté qu'on la prenne, il faut s'attendre au reproche de l'avoir mal comprise, et l'on ignore ce qu'il faut faire pour la comprendre correctement. Elle-même se présente d'une façon étonnamment flottante, tantôt comme une déviation tout à fait anodine qui ne mérite pas tant de tapage, tantôt comme un message de salut, inaugurant une nouvelle ère pour la psychanalyse, voire une nouvelle conception du monde pour toutes les autres. Il faut toutefois concéder que les représentants des nouvelles doctrines se trouvent dans une situation difficile. Ils combattent maintenant des choses qu'ils défendaient eux-mêmes autrefois, et cela non pas en vertu de nouvelles observations qui les eussent instruits, mais par suite de changements d'interprétation qui leur font voir les choses autrement qu'ils ne les voyaient jusque-là. C'est pourquoi ils ne veulent pas rompre leur lien avec la psychanalyse, à laquelle ils doivent leur notoriété. Ils préfèrent proclamer que c'est la psychanalyse qui a changé. De même que la recherche adlérienne a apporté quelque chose de nouveau à la psychanalyse, une contribution à la psychologie du moi, et a voulu se faire payer ce cadeau beaucoup trop cher en rejetant tous les principes analytiques fondamentaux, de même, Jung et ses partisans ont commencé la lutte contre la psychanalyse en lui offrant une nouvelle acquisition. Ils ont montré dans le détail, en quoi Pfister les avait d'ailleurs précédés, comment le matériel des images sexuelles issues du complexe familial et du choix incestueux est employé à la représentation des plus hauts intérêts éthiques et religieux de l'homme. Autrement dit, ils ont éclairé un cas significatif de sublimation des pulsions érotiques. Ceci se trouvait en concordance parfaite avec les implications de la psychanalyse et eût parfaitement pu se concilier avec l'idée que le rêve et la névrose montrent la dissolution régressive de cette forme de sublimation comme de toutes les autres. Seulement, dans ce cas, le monde eût poussé les hauts cris parce qu'on sexualisait l'éthique et la religion. Pour une fois, je ne peux pas éviter de penser en finaliste et d'admettre que les découvreurs ne se sentaient pas de taille à affronter cette tempête d'indignation. Peut-être aussi commençaient-elles à gronder dans leur propre poitrine. La préhistoire théologique de beaucoup de Suisses est aussi peu indifférente pour leur position à l'égard de la psychanalyse que le passé socialiste d'Adler pour l'évolution de sa psychologie. Cela fait penser à l'histoire célèbre où Mark Twain raconte les destinées de sa montre et à l'ébahissement sur quoi elle prend fin. On sent dans tout ce texte important combien Freud s'irrite lui-même de devoir descendre à la polémique. Quoiqu'il s'efforce au calme et à l'équité, il ne parvient pas toujours à dissimuler son amertume. C'est que la défection de Jung, bien plus encore que celle d'Adler, lui a porté un coup dont en 1914 il ne sait pas lui-même si la psychanalyse se relèvera tout à fait. Il conclut néanmoins sur un ton optimiste, moins, semble-t-il, pour exprimer sa propre certitude que pour maintenir la foi dans ses propres rangs. On inclinera peut-être à craindre que cette défection de Jung ait des suites plus désastreuses que d'autres pour le destin de la psychanalyse, parce qu'elle est le fait de personnalités qui ont joué un grand rôle dans le mouvement et ont contribué pour une large part à ses progrès. Je ne partage pas cette crainte. Les hommes sont forts tant qu'ils représentent une idée forte. Ils deviennent impuissants quand ils s'y opposent. La psychanalyse surmontera cette perte et gagnera d'autres partisans en échange de ceux-ci. Pour conclure, je ne puis formuler qu'un souhait. Puisse le destin accorder une ascension commode à tous ceux qui se sont sentis mal à l'aise dans les bas-fonds de la psychanalyse. Quant aux autres, qu'il leur soit permis de poursuivre tranquillement jusqu'à la fin leur travail dans les profondeurs. RTF France 3 National vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, la révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet et Jean Muselli dans Les Dissensions. Prise de son Pierre Simon, collaboration technique Monique Germain, assistante Marie-Andrée Herminot. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 2 mai 1963. Tout de suite, le 20e épisode de cette série, diffusé la semaine suivante. RTF France 3 nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Robert Favard, Jean Français et Jean Muselli dans Les exposés cliniques. Dans « Un souvenir d'enfance » de Léonard de Vinci, Freud propose d'expliquer le destin singulier du peintre par un conflit, en grande partie inconscient, entre l'art et la science, d'où l'art ne sortit pas victorieux, mais partiellement nié et détruit. Qu'il y ait là une allusion à un trait personnel, on pencherait à le croire, en considérant que Freud s'analyse bien souvent lui-même à travers les grandes figures qu'il prend pour objet, et qu'il pouvait réellement trouver un conflit analogue à l'origine même de son œuvre. Pour le savant que Freud était et voulait être, le conflit avait pris nécessairement une forme très atténuée. Il n'y avait pas là, en effet, deux vocations nettement et également affirmées, mais d'un côté un idéal scientifique de vérité et de rigueur qui s'était formé dès sa jeunesse, et, d'autre part, un besoin de s'exprimer esthétiquement, de donner libre cours à son imagination, besoin que son milieu, sa formation et probablement de fortes interdictions intérieures l'avaient très tôt conduit à réprimer. Moralement et intellectuellement parlant, Freud devait naturellement donner le pas à la science, vers laquelle il se sentait vraiment appelé. Très souvent, plus qu'il n'y était tenu peut-être, il rappelait qu'il n'avait aucune compétence dans le domaine prestigieux de la création artistique, où seules les nécessités de la recherche le poussaient à entrer. Mais l'insistance de ses dénégations sur ce point, la nostalgie que lui inspiraient visiblement les dons du romancier ou du poète, permettent de penser que l'art restait pour lui un point sensible, quelque chose comme un ancien regret. Des sentiments de ce genre s'expriment dans toute son œuvre de façon plus ou moins voilée. On en trouve l'écho dans une lettre à Arthur Schnitzler, l'écrivain viennois dont l'œuvre faisait scandale un peu à la façon de la sienne, et qui plus tard devint son ami. Depuis de nombreuses années, je suis conscient de l'accord extrêmement étendu qui existe entre mes idées et votre conception de certains problèmes psychologiques et érotiques. Tout récemment, j'ai même trouvé le courage d'en parler ouvertement, dans Fragments d'une analyse d'hystérie, en 1905. Souvent, je me suis demandé avec étonnement d'où vous teniez cette connaissance secrète que j'ai dû acquérir par une étude laborieuse de mon objet. Et finalement, j'en suis venu à envier le poète à qui, autrement, je donnais mon admiration. Maintenant, vous pouvez imaginer quel plaisir, quelle exaltation j'ai puisé dans votre lettre, où vous me dites que vous aussi, vous vous êtes senti stimulé par mes écrits. Je suis presque blessé d'avoir dû attendre jusqu'à l'âge de 50 ans pour connaître un pareil honneur. Nous reviendrons plus longuement sur ce conflit inavoué, et à ses propres yeux peut-être inavouable, que Freud résolut par un compromis original entre la littérature et la science, en alliant à la véracité exigée par sa tâche les dons d'imagination et de style dont il se savait favorisé, sans toutefois les revendiquer pleinement. Le jugement qu'il portait sur ses propres écrits était en grande partie déterminé par le degré de réussite de ce compromis, qui, vu la nature de ses travaux, était inégalement réalisable dans les différentes parties de son œuvre et de ce fait dû le laisser souvent insatisfait. D'une manière générale, ses préférences allaient à ceux de ses livres dont les qualités littéraires sont sensibles, même à un public peu familiarisé avec ses idées. Ainsi, il jugeait gracieuse son étude sur la Gradiva de Jensen, et c'est probablement parce qu'il les sentait littérairement très réussis qu'il aimait ses travaux sur Léonard de Vinci et sur le Moïse de Michel-Ange. Bien que par une timidité dont ses détracteurs ne le croyaient sûrement pas capable, il n'eût pas osé publier ce dernier sous son nom. En revanche, nous l'avons vu, il critiquait sévèrement la pesanteur et la maladresse de certains passages de la science des rêves, où la synthèse de ces deux exigences principales lui semblait avoir échoué. La joie d'écrire, que Freud connaissait au plus haut point, il est probable qu'il la trouvait moins dans ses écrits purement théoriques que dans ses observations cliniques et dans cette part très large de ses travaux qui ne ressortissait pas de la métropole psychanalytique, mais, comme il le disait en plaisantant, de ses lointaines colonies. Ses plus belles pages sont en effet celles qu'il a consacrées à Léonard de Vinci, à Goethe, à Shakespeare, au Moïse de Michel-Ange et, tout à la fin de sa vie, au Moïse vivant de la Bible. Là, il est vraiment l'écrivain que ses contemporains les plus notoires se sont plu à honorer en lui conférant le prix Goethe, une haute distinction littéraire qui devait réparer l'injustice à son endroit des milieux savants. Et il justifie ce qu'un autre grand savant, lui-même artiste, Einstein, disait dans une lettre de l'ensemble de son œuvre. Je vous remercie cordialement de m'avoir envoyé votre nouvel ouvrage qui, naturellement, m'intéresse beaucoup. Votre conception selon laquelle Moïse aurait été un noble égyptien appartenant à la classe cléricale a beaucoup de pouvoir de conviction. De même, ce que vous dites du rite de la circoncision. Je ne peux naturellement pas juger des motifs proprement religieux de votre analyse. J'admire tout particulièrement les dons d'écrivains qui se manifestent dans votre travail, comme dans tous vos écrits. Je ne connais pas un seul contemporain de langue allemande qui ait aussi magistralement traité ces sujets. J'ai toujours regretté qu'un non-spécialiste, n'ayant pas l'expérience des malades, soit à peu près hors d'état de se former un jugement sur la vérité contenue dans la plupart de vos livres. Mais, après tout, il en va ainsi de toutes les œuvres scientifiques. On peut déjà s'estimer heureux quand les constructions intellectuelles vous sont accessibles. Les éloges d'Einstein devaient flatter Freud, mais plus encore peut-être le fâcher. Car la réussite littéraire, si fort qu'il y tienne, n'était pas son premier objectif et ne pouvait le consoler de n'être pas compris. Il demeure qu'elle lui a gagné une bonne part du public cultivé qui autrement se fût malaisément frayé un chemin vers ses idées. Le talent de Freud, qui offre au lecteur ce qu'il appelle dans son langage une prime de plaisir, profite surtout à ceux de ses ouvrages où les considérations théoriques peuvent s'insérer dans un récit autour d'une figure centrale dont l'analyse dévoile peu à peu les traits. C'est le cas des histoires de malades que Freud transcrit à mesure de son expérience depuis les études sur l'hystérie et dont certaines forment aujourd'hui le premier manuel des étudiants dans les divers instituts. Les héros de ces histoires, Dora, le petit Hans, l'homme au rat, le président Schreber, l'homme au loup, sont connus et cités communément à l'égal des personnages les plus célèbres de la littérature romanesque. À juste titre, car Freud les a dépeints avec cette chaleur humaine, ce sentiment de solidarité qui sont la marque du vrai romancier et qu'on ne rencontre pas trop souvent dans les traités de psychiatrie. Si la littérature et la psychanalyse ont quelque chose en commun, c'est bien cet intense pouvoir d'identification grâce à quoi les malades de Freud sont devenus des figures émouvantes, aujourd'hui encore vivantes et vraies. En fait, ces cinq personnages n'étaient pas tous des malades de Freud. Le petit Hans avait été psychanalysé par son propre père, le président Schreber était tout à fait étranger à la psychanalyse, et Freud ne le connaissait que par le livre surprenant qu'il avait écrit 7 ans auparavant sur sa maladie. Le seul qui eût subi une longue analyse était l'homme au loup, ainsi nommé à cause du célèbre rêve des 7 loups qui permit à Freud d'étudier après coup une grave névrose infantile. L'homme au loup suscita un tel intérêt dans les milieux psychanalytiques qu'il en conçut un immense orgueil. Au cours d'une rechute, il prétendit être l'unique malade dont Freud eût publié le cas. Outre leur valeur clinique considérable, le président Schreber et l'homme au loup ont ceci de particulier qu'ils reflètent l'évolution de la pensée de Freud à un moment où les conflits dont nous avons parlé l'obligent tout à la fois à élargir le cercle de ses préoccupations et à maintenir l'unité de son mouvement. Jung, en 1910, lui avait fait connaître l'autobiographie de Schreber, publiée sous le titre de « Mémoire d'un névropathe ». C'est donc sous l'influence de son élève, que, pour la première fois, il empiète sur le domaine propre de la psychiatrie en abordant les problèmes insurmontables posés par la psychose, schizophrénie et paranoïa. Mais Jung avait, sur le cas de Schreber, des vues personnelles que l'analyse de Freud fut bien loin de corroborer. Il ne le dissimula pas, et même laissa paraître en partie son désaccord dans « Les métamorphoses et symboles de la libido » publié à peu près à la même époque. Ce fut, encore à demi caché, la première cause sérieuse de différend entre les deux hommes, du moins en ce qui touche leur conception scientifique. Le président Schreber n'avait pourtant pas un caractère polémique. En 1911, en effet, Freud croyait encore pouvoir aplanir les difficultés doctrinales qui surgissaient çà et là entre lui et les psychiatres suisses. Il n'en va plus de même pour L'homme au loup, qui écrit et composé en 1914-1915, c'est-à-dire après le départ des principaux dissidents, put servir d'argument contre les deux écoles adverses, désormais indépendantes. Ayant eu la chance de reconstituer, grâce au fameux rêve des loups, la névrose infantile dont avait souffert le malade adulte, Freud pensait réduire à néant les attaques violentes de Jung et d'Adler contre son étiologie des névroses. Le principal de sa démonstration reposait sur cette particularité décisive que le malade n'avait pas fait son rêve pendant la cure, mais à l'âge de 4 ans, après que son grand-père lui eut conté le conte « Le loup et le tailleur », un des nombreux contes de Grimm où le loup joue un rôle. Ce souvenir précis que le malade illustrait par un dessin paraissait d'autant plus propre à emporter la conviction qu'il était lié à d'autres faits biographiques. Quelques années plus tard, cependant, Otto Rank en contesta l'exactitude, laissant entendre qu'en prenant le rêve des loups pour un rêve d'enfant, alors que le malade l'avait sans doute fait pendant l'analyse, Freud s'était montré ou de mauvaise foi ou crédule. Ainsi, le cas de l'homme au loup, écrit dans une intention polémique, fut l'enjeu d'âpres disputes et se trouva mêlé à une nouvelle rupture. Pour étudier le cas de Schreber, Freud ne disposait que des mémoires d'un névropathe publiées par le malade, où manquaient presque complètement les antécédents personnels et les données biographiques détaillées. En 1885, Schreber avait fait un séjour dans la clinique psychiatrique du professeur Flexig à Leipzig et en était sorti complètement guéri, plein de gratitude et d'affection pour son médecin. Ses troubles, apparemment névrotiques, avaient été qualifiés d'hypochondrie. 9 ans plus tard, peu après avoir été nommé président de la cour d'appel de Dresde, Schreber retomba malade, et cette fois beaucoup plus gravement. Il fut soigné pendant 6 ans et recouvra la santé, à part quelques idées délirantes auxquelles il resta fixé. Malgré les pressions exercées sur lui, il avait tenu à publier ses mémoires, en avançant des raisons que Freud reprit à son compte pour justifier sa propre publication. Il est possible que le docteur Schreber vive encore à ce jour et ait abandonné le système délirant dont, en 1903, il s'était fait l'avocat au point d'être froissé par mes observations sur son livre. Mais je puis en appeler à ses propres arguments. Aux arguments que cet homme d'un niveau intellectuel si élevé, possédant une acuité d'esprit et un don d'observation peu ordinaire, opposait à ceux qui s'efforçaient de le détourner de publier ses mémoires. Je ne me suis pas dissimulé les scrupules qui semblent s'opposer à une publication. Il s'agit en effet des égards dus à certaines personnes encore vivantes. D'un autre côté, je suis d'avis qu'il pourrait être important pour la science et la reconnaissance des vérités religieuses que de mon vivant encore, il soit possible de se livrer à des observations sur mon corps et sur tout ce qui m'est arrivé, et que ces observations soient faites par des hommes compétents. Au regard de ces considérations, tout scrupule d'ordre personnel doit se taire. Schreber était paranoïaque, ce qui, dans son cas, passionnait les psychiatres, était la richesse des idées de persécution et de grandeur dont il faisait du reste l'historique avec une rare pénétration. Freud constata qu'ici encore, leur étonnement n'était pas le point de départ d'un effort de compréhension. En vertu de sa conviction que les manifestations de l'esprit les plus singulières et les plus absurdes dérivent des processus naturels de la vie psychique, il entreprit de chercher pourquoi et comment Schreber, un homme de sens droit et jusque-là tout à fait capable d'assumer ses hautes tâches, avait subi son étonnante transformation. 15 ans auparavant, Freud s'était déjà occupé de la paranoïa, dont le secret, disait-il, lui avait été révélé par Fliess à l'époque de leur amitié. Ce secret fait désormais partie des connaissances classiques de la psychanalyse, c'est que la paranoïa est intimement lié à une homosexualité refoulée. Schreber, dont le délire tournait principalement autour de sa transformation en femme et du viol que lui faisait subir son persécuteur, le professeur Flexic, donnait beaucoup de poids à cette affirmation pour peu qu'on voulût prendre son délire au sérieux. La maladie de Schreber comportait deux phases distinctes. Dans la première, il s'imaginait être la victime d'horribles attentats homosexuels perpétrés par Flexic, lequel ne tardait pas à avoir pour complice Dieu lui-même. Dans la seconde, il acceptait son destin avec une résignation pleine de volupté, cependant que Flexic était remplacé par Dieu et que le délire s'organisait autour d'une profusion d'idées religieuses et d'une cosmogonie compliquée. Pour finir, Schreber se conçut comme le sauveur féminin du monde, destiné à engendrer une nouvelle race d'êtres humains supérieurs. En ce qui concerne la formation des symptômes délirants, Freud met en évidence le trait le plus frappant, qui est le phénomène de la projection. La projection consiste en ceci, que le sujet ressent comme une perception venant de l'extérieur, une perception interne qui a été préalablement réprimée et dont le contenu a subi une certaine déformation. Ainsi se produit un retournement de l'affect. Ce qui devrait être ressenti intérieurement comme de l'amour est perçu extérieurement comme de la haine. De fait, l'expérience montre régulièrement que, dans le délire paranoïaque, le persécuteur est toujours une personne à qui le malade était auparavant très attaché. Le secret de Schreber et de son délire résidait essentiellement dans son amour interdit et inconscient pour son médecin, lequel n'était que le substitut de son propre père. L'amour est du reste le point central de cette psychose grave qui se traduit au dehors par la jalousie et la haine. Porté vers un être du même sexe, il est scandaleux et inacceptable. Les quatre formes de délire auxquelles il donne lieu ne sont que des façons en quelque sorte grammaticales de le nier ou à tout le moins d'en modifier les données. Freud a enfermé dans une formule célèbre ces transformations de la libido paranoïaque qui engendrent les fantasmes les plus surprenants. Tout se passe, dit-il, comme si les formes connues de la paranoïa se ramenaient toutes à diverses façons de contredire une proposition unique. Moi, un homme, je l'aime. Lui, un homme. Le délire de persécution, en effet, proclame très haut « Je ne l'aime pas, je le hais ». Puis, en vertu de la projection, il me hait ou me persécute, ce qui justifie la haine que je lui porte. Le délire de l'érotomane qui se croit aimé et poursuivi par l'amour de l'autre s'en prend à un autre élément de la proposition scandaleuse. Il dit « Ce n'est pas lui que j'aime, c'est elle que j'aime, parce qu'elle m'aime ». Un autre mode de contradiction est fourni par le délire de jalousie qui dit « Ce n'est pas moi qui aime l'homme, c'est elle qui l'aime ». Enfin, le délire des grandeurs trouve un moyen de contradiction encore plus radical. Il dit « Je n'aime pas du tout et personne ». Mais comme il faut bien que la libido d'un être se porte quelque part, la proposition revient à dire « Je n'aime que moi ». Ainsi s'explique la fantastique surestimation sexuelle du moi qui est au fond de la mégalomanie. Le manque de données biographiques empêche Freud de serrer de près les relations du président Schreber avec son père, lequel est évidemment à l'origine l'objet d'amour convoité et haï. Tout ce que l'on sait est que le docteur Schreber était médecin, ce qui lui permettait de jouer, comme Flexic, son rôle de Dieu, tout à la fois sauveur et meurtrier. À ce propos, Freud fait observer un trait saisissant de la paranoïa, qui, dit-il, divise tandis que l'hystérie condense. Dans l'hystérie, en effet, chaque symptôme résulte d'une condensation d'affects se rapportant à diverses personnes aimées par le sujet. Dans la paranoïa, au contraire, tout affect est susceptible d'incarnations multiples dont chacune apparaît comme une idée délirante distincte. Pour Schreber, le persécuteur se divise en Flexic et en Dieu. Puis plus tard, Flexic lui-même se divise en Flexic supérieur et en Flexic du milieu, comme Dieu se scinde en un Dieu d'en bas et en un Dieu d'en haut. Toutes ces figures sont des doublés d'une importante et même relation, telle qu'on en trouve dans les mythes, les légendes et les religions polythéistes où les dieux incarnent sous des formes diverses les sentiments et désirs multiples des fidèles. Le délire de Schreber, qui mêle dans une inextricable confusion une mythologie, une cosmogonie, une apocalypse et une prophétie, ne fonctionne pas autrement que les plus hautes productions de l'esprit. Le cas de l'homme au loup est tout aussi remarquable que celui du président Schreber, encore que ses difficultés et sa gravité soient d'une toute autre espèce. À l'époque où il vint consulter Freud, le malade était un jeune homme russe de 22 ans, fils d'un avocat qui possédait des terres à Odessa et lui laissa une immense fortune. Une névrose extrêmement grave le rendait incapable de résoudre les problèmes les plus simples de l'existence. Il ne se déplaçait qu'accompagné d'un médecin et d'un domestique, étant hors d'état de faire quoi que ce soit tout seul, même de s'habiller. Venu en Allemagne pour se soigner, il avait séjourné dans plusieurs maisons de santé, consulté des psychiatres célèbres comme Zion et Kraepelin, sans trouver nulle part une amélioration de son état. Désespéré, le jeune homme était rentré chez lui, où un autre médecin lui redonna un peu de courage. C'est en se rendant en Suisse pour faire une nouvelle tentative que ce médecin et lui s'arrêtèrent à Vienne où, ayant entendu parler de Freud par hasard, ils vinrent lui demander son aide. Ce cas qui avait tenu en échec les spécialistes les plus éminents était effectivement d'une difficulté exceptionnelle. Freud ne l'a pas rapporté dans toute son étendue et cela pour deux raisons. D'abord parce qu'une relation complète d'une analyse de plusieurs années est une tâche presque impraticable, vu l'abondance et le désordre inévitable du matériel. Ensuite, parce que son malade était très connu à Vienne et que bien que celui-ci insistât pour que son cas fût publié intégralement, il ne pouvait prendre sur lui de révéler tous les détails du traitement. D'autre part, il voulait se servir de cette observation providentielle pour réfuter certaines conceptions d'Adler et de Jung, qui tendaient à remplacer les traumatismes sexuels infantiles, responsables de la névrose de l'adulte, par des facteurs pathogènes plus tardifs, tels qu'en produisent par exemple les diverses variations et influences de la culture. Si l'homme au loup avait réellement eu ses premiers troubles névrotiques à l'âge de 4 ans, il réduisait à rien cette conception d'une étiologie tardive. Freud concentra donc tout son intérêt sur l'étude de la névrose infantile et obtint ainsi un matériel inattendu qu'il jugea lui-même stupéfiant. Une troisième particularité de l'analyse m'a rendu encore plus difficile de me résoudre à l'exposer. Dans l'ensemble, ces résultats ont concordé de façon satisfaisante avec notre savoir antérieur ou y ont été aisément adjoints. Mais certains détails m'ont semblé à moi-même si extraordinaires et si incroyables que j'éprouve quelque hésitation à demander à d'autres d'y ajouter foi. J'ai incité le patient à une sévère critique de ses souvenirs, mais il ne trouva rien d'invraisemblable à ses dires et les maintint fermement. Que les lecteurs soient du moins persuadés que je rapporte simplement ce qui se présenta à moi en tant qu'observation indépendante et non influencée par mon attente. Ainsi, je n'avais plus qu'à me rappeler les sages paroles d'après lesquelles il y a plus de choses entre ciel et terre que n'en peut rêver notre philosophie. Et certainement, celui qui parviendrait à éliminer plus radicalement ses convictions préexistantes verrait encore plus de choses se dévoiler. On sent que tout en rédigeant son travail, Freud ne peut se défaire de certains doutes sur beaucoup de points essentiels qui pourtant furent confirmés plus tard par bien des cas analogues. Deux lettres mentionnées par Jones révèlent l'étrange façon dont il interprétait cet état d'esprit. Il le reliait au doute qui, dès novembre 1914, l'avait assailli quant à la victoire de l'Autriche et à l'issue de la guerre. La première analyse de l'homme au loup, il en eut quatre en tout, deux avec Freud et, 12 ans plus tard, deux autres avec une de ses élèves, Ruth McBrunswick, dura 4 ans et ne fit, pendant la majeure partie du temps, aucun progrès. Ne sachant comment vaincre cette résistance têtue de son malade, Freud se résolut à une mesure technique exceptionnelle qui amena presque aussitôt la fin heureuse de la cure. Le patient se retrancha longtemps dans une attitude d'indifférence aimable. Il écoutait, comprenait, et ne se laissait pas approcher davantage. Il fallut une longue éducation pour l'amener à prendre une part personnelle au travail, et dès que, grâce à cet effort, il commença à se sentir un peu libéré, il interrompit aussitôt la cure afin de se garder de tout changement et de se maintenir confortablement dans la situation acquise. Son horreur d'une situation indépendante était si grande qu'elle l'emportait pour lui sur tous les ennuis de sa maladie. Il ne se trouva qu'une seule voie pour la surmonter. Je fus obligé d'attendre que son attachement pour moi fût devenu assez fort pour contrebalancer cette aversion, et je jouai alors ce facteur contre l'autre. Je décidai, non sans m'être laissé guider par de sûrs indices d'opportunité, que le traitement devrait être terminé à une certaine date, à quelques degrés d'avancement qu'il fût alors parvenu. J'étais résolu à m'en tenir à ce terme. Le patient finit par s'apercevoir que je parlais sérieusement. Sous l'impitoyable pression de cette date précise, sa résistance, sa fixation à la maladie finirent par céder, et l'analyse livra alors en un temps d'une brièveté disproportionnée avec son allure précédente tout le matériel permettant la résolution des inhibitions et la levée des symptômes du patient. Tout ce qui me permit de comprendre sa névrose émane de cette dernière période de travail pendant laquelle la résistance céda provisoirement et où le patient fit preuve d'une lucidité à laquelle on n'atteint ordinaire que dans l'hypnose. La pièce majeure de ce matériel est le rêve des loups, qui, dès l'âge de 4 ans, avait inauguré pour le patient une période d'angoisse et de phobie dont les loups étaient précisément l'objet. Freud avait déjà rapporté ce rêve ailleurs dans un texte consacré aux éléments de contes de fées dans les rêves. Il le rapporte dans son observation sans y apporter de changement. J'ai rêvé qu'il faisait nuit et que j'étais couché dans mon lit. Mon lit avait les pieds tournés vers la fenêtre. Devant la fenêtre, il y avait une rangée de vieux noyers. Je sais avoir rêvé cela l'hiver et la nuit. Tout à coup, la fenêtre s'ouvre d'elle-même. Et à ma grande terreur, je vois que sur le grand noyer en face de la fenêtre, il y a plusieurs loups blancs, perchés. Il y en avait 6 ou 7. Ils étaient tous blancs et ressemblaient plutôt à des renards ou à des chiens de berger, car ils avaient de grandes queues comme les renards et leurs oreilles étaient dressées comme les chiens quand ils sont attentifs à quelque chose. En proie à une grande terreur, évidemment d'être mangé par les loups, je criais et m'éveillais. Ma bonne a couru auprès de mon lit pour voir ce qui était arrivé. Il me fallut un bon moment pour être convaincu que ce n'avait été qu'un rêve. Tant m'avait semblé vivant le tableau de la fenêtre s'ouvrant et des loups perchés sur l'arbre. Je me calmai enfin, me sentis comme délivré d'un danger et me rendormis. La seule action qui ait eu lieu dans le rêve fut l'ouverture de la fenêtre, car les loups étaient assis tout à fait tranquillement sur les branches de l'arbre, à gauche et à droite du tronc, et me regardaient sans faire aucun mouvement. On aurait dit que toute leur attention était fixée sur moi. Je crois que ce fut là mon premier rêve d'angoisse. J'avais alors 3, 4, tout au plus 5 ans. De ce jour jusqu'à ma 11e année, j'eus toujours peur de voir quelque chose de terrible en rêve. Le malade avait illustré son rêve par un dessin, où l'on voit non pas 6 ou 7, mais 5 loups blancs regardant fixement devant eux et ressemblant effectivement à des chiens. Le rêve avait été raconté tout au début de la cure. Il fallut à Freud et à son patient plusieurs années pour en déchiffrer le sens. Le malade finit par le comprendre en le rapprochant du petit chaperon rouge, du loup et des 7 petits chevreaux et du conte de Grimm où l'on voit un tailleur couper la queue du loup avec son aune. Tout récit qu'il avait lu ou entendu dans des circonstances précises. Conformément à sa grammaire habituelle, le rêve avait fait subir à sa pensée profonde un renversement radical. Les longues queues des loups signifiaient l'absence de queue, autrement dit, la castration. Le regard fixe et attentif n'appartenait pas au loup, mais au petit rêveur lui-même. Leur immobilité terrifiante signifiait le mouvement insolite que l'enfant avait surpris par une nuit d'hiver, bien longtemps auparavant sans doute, et dont il restait épouvanté. L'analyse permit de reconstituer ce spectacle angoissant auquel l'enfant avait assisté en son tout jeune âge, vers 18 mois à peu près, et qui porte depuis, dans la littérature psychanalytique, le nom de « scène primitive ». C'était le coït de ses parents, événement incompréhensible sur le moment et source, après coup, de cette peur archaïque du loup ou de l'ogre commune à tant de contes et de mythes. La scène primitive, ici, n'était pas un souvenir réel, mais une reconstruction que la convergence de quantités de détails rendait extrêmement plausible. Instruit par son erreur de naguère sur la séduction précoce des hystériques, Freud se demanda si elle recouvrait un événement vraiment vécu ou seulement un fantasme du malade. Il conclut toutefois que dans les deux cas, le résultat eût été le même pour l'évolution de la névrose. De même que le président Schreber avait conduit Freud à rapprocher la paranoïa de certaines créations mythologiques, le malade ayant créé un mythe du soleil concordant de façon surprenante avec celui des religions primitives, de même l'homme au loup lui permit de découvrir de profondes analogies entre les rêves et le folklore universel dont les thèmes alimentent l'âme enfantine de tous les temps. À cette époque, du reste, Freud commence de se tourner vers l'histoire des religions et les problèmes de la mythologie qui était devenue la spécialité d'Otto Rank et, dès 1912, avait suscité entre lui et Jung d'insurmontables désaccords. Cette nouvelle orientation de sa recherche aboutit, en 1913, à la publication de « Totem et tabou », l'un des livres les plus importants et certainement le plus scandaleux de la deuxième partie de son œuvre. Les mémoires d'un névropathe de Schreber ont fait depuis Freud l'objet de nombreux travaux dont l'intérêt n'est pas épuisé. Quant à l'homme au loup, la singularité et la richesse de son cas, son histoire thérapeutique compliquée, la gratitude que Freud lui devait pour tout ce qu'il lui avait appris, enfin le tragique de sa vie personnelle, tout cela fit de lui un cas à part dans les annales psychanalytiques, presque un personnage historique. Après sa première cure, il était rentré en Russie complètement rétabli psychiquement et capable d'affronter les difficultés de la vie. La révolution bolchevique lui fit perdre son immense fortune et il tomba d'un coup dans la plus profonde misère. En 1919, il put s'échapper et revenir à Vienne. Là, il fit une nouvelle cure de 4 mois avec Freud pour une constipation hystérique dont il put guérir. Non seulement Freud le traita gratuitement, mais encore il organisa parmi ses collègues et ses élèves une collecte régulière, grâce à quoi l'homme au loup et sa femme, malade elle aussi, purent subsister pendant 6 ans dans la Vienne affamée d'après-guerre. En 1926, le malade, sauvé 2 fois par l'affection et la générosité de Freud, fit une grave rechute qui nécessita un nouveau traitement. Atteint autrefois d'une névrose obsessionnelle, il souffrait maintenant d'une psychose paranoïaque où son attachement homosexuel pour son premier analyste, mal liquidé, renforcé même par l'aide matérielle et les dons de Freud, trouvait une nouvelle et dangereuse issue. Il fut soigné par une élève de Freud, Ruth Brunswick, qui le traita à plusieurs reprises et publia des observations qui complétèrent la connaissance du cas. Sa dernière publication date de 1940, époque où l'homme au loup semble avoir joui d'une parfaite santé. Après la Première Guerre, d'autres psychanalystes eurent l'occasion de le rencontrer et rapportèrent leur entrevue. Ernest Jones, qui en 1956 correspondait encore régulièrement avec lui, affirme que ses lettres contenaient sur la technique et la personne de Freud bien des choses justes et instructives, inconnues même de ses disciples. Malgré son étrange notoriété, toutefois, l'homme au loup fut assez fidèle et discret pour n'en pas faire un livre. RTF France 3 National vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Leclerc. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, René Farabet, Robert Favard, Jean Français et Jean Muselli dans Les exposés cliniques. Ces émissions ont été diffusées pour la première fois sur France 3 Nationale les 2 et 11 mai 1963. Vous pouvez les réécouter ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. I'm through with love, I'll never fall again. Said I do love, don't ever call again. For I must have you. Of slaves around you to hound you and swear their deep devotion in motion, dear good, by the spring. All it meant to me, it could never breathe. The things that used to be, for I must have you. Love, that's why I am through.